Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre Mag sur Radioactive. Et ce soir, direction le théâtre Beaumarchais d'Amboise, où avait lieu le 19 mars la restitution d'un projet de médiation culturelle autour du spectacle Origine, porté par la compagnie In Lumea. La compagnie avait joué ce spectacle sur la scène du théâtre Beaumarchais le 13 décembre dernier. Pour y donner suite, pendant plusieurs semaines, un travail de fond a été mené avec une vingtaine de personnes au parcours parfois marqué par le déracinement, l'exil ou un changement de vie important. Le projet, relayé par Emmanuel Fontenasse, en charge de la médiation culturelle à la ville d'Amboise, consistait à recueillir leurs histoires, leurs souvenirs, leurs blessures parfois, mais aussi leurs espoirs. À partir de ces témoignages, la compagnie a écrit plusieurs textes, ensuite interprétés sur scène par des élèves du lycée Chaptal et du collège Choiseul. Nous étions présents lors de cette restitution. Ma mère disait que comme ils ne connaissaient rien au niveau de la nourriture française, quand ils allaient faire les courses, ils achetaient toujours la même chose de ce qu'ils connaissaient. Et un jour, mon oncle a voulu goûter à autre chose. Il avait acheté des éponges. C'était vert et jaune et c'était pas bon. Il a dit à mes parents, n'achetez pas ça, c'est pas bon! Parce que l'État nous donnait de l'argent, mais on ne savait pas le dépenser et on achetait vraiment strict le minimum de ce qu'on connaissait. Donc souvent ça restait dans la viande, les œufs, un petit peu de riz et puis les pains. Des légumes qu'ils connaissaient, mais sinon ils ne connaissaient pas autre chose. Alors autant en France, les gens ont énormément de la culture des vacances. Et en Algérie, les gens l'ont aujourd'hui, mais ne l'avaient pas du tout à l'époque. Et oui, c'est vraiment une culture les vacances. Nous, on habitait dans une ville de bord de mer, mais on ne partait pas en vacances. Parce que ça ne se faisait pas en fait. Les gens ne partaient pas en vacances. On part chez la famille, on ne part pas en vacances. On allait tous les jours à la mer. C'est vrai qu'on était très... Enfin, on avait une grande famille, donc on partait tous les jours à la mer. Avec toute la famille, on faisait des barbecues sur la plage. En arrivant en France, on a bien sûr d'autres membres de la famille qui sont venus vivre en France également, mais dans d'autres villes. Et pour le coup, on s'est retrouvé un peu tout seul à vivre en France. Bien que les parents se soient construits un groupe d'amis divers. Mais effectivement, en Algérie, on était très très très famille. Et aujourd'hui, plus trop au final, comme si nos habitudes avaient changé. Pour Elsa Adroguer, comédienne et créatrice de Origine, il était essentiel que ce spectacle ne reste pas seulement sur scène, mais qu'il puisse aussi devenir un outil de rencontre et de partage. On l'écoute. Alors, je m'appelle Elsa Adroguer, je suis comédienne, autrice, et ce soir, il y a eu une présentation assez bouleversante d'élèves de collège et de lycée d'Amboise. On a travaillé à partir de récits d'habitants et d'habitantes de quartier d'Amboise. Voilà. On a été recueillir avec Ayoub Kalouchi, autre comédien, les histoires de déracinement de plein de gens. On en a fait une partition pour les élèves et ils ont eu 3 semaines pour s'approprier ces histoires, ces personnages. On a essayé de faire une mise en scène collective. Voilà, et c'est assez bouleversant parce que c'était extrêmement terrifiant pour eux de monter sur ce plateau. La plupart n'étaient jamais montés sur une scène de théâtre, donc c'était très challengeant. Et ils ont livré une prestation absolument magnifique. Et c'est tellement beau, en fait, cette parole qui part de récits de vie, qui raconte des parcours vraiment parfois compliqués de déracinement. Distribué dans la bouche de la jeunesse. Et ce soir, il y avait des Ukrainiennes, il y avait des Roumaines qui s'emparaient d'histoires turques, algériennes, marocaines, enfin. En fait, cette espèce de transversalité des histoires et des interprétations, je crois que ça a donné un moment qui était tout simplement bouleversant et surtout plein de sens, surtout dans ce monde qui tourne pas toujours très bien. C'était touchant, puis en même temps, il y avait des touches d'humour aussi. On a entendu le public rire. Et quelque chose, Elsa, que vous avez précisé au début du spectacle, c'est qu'ils n'ont eu que 3 répétitions. Oui, ils n'ont eu que 3 répétitions, donc ça a été sportif. Hein. On a été dans le coaching, vraiment, pour essayer de faire en sorte qu'ils se libèrent, qu'ils s'ouvrent et qu'ils s'amusent et qu'ils prennent plaisir. Et oui, en fait, dans le texte, il y a évidemment plein de légèreté, des traits de lumière en permanence, parce que voilà, la vie, elle est comme ça, en fait. La vie, parfois, c'est dur. Et en même temps, dans le même temps aussi, on se marre, et heureusement. Et c'est le théâtre, moi, que j'aime, en tout cas. Et leur personnalité, parce qu'il y a des personnalités sur scène aussi. Donc, c'est assez savoureux. Donc je pense, oui, que les gens ont aussi passé un moment drôle par moment. On imagine aussi votre fierté parce que ça fait suite au spectacle Origine, un spectacle qui est le vôtre, que vous avez joué sur ce théâtre Amboise. Donc c'est quelque chose que vous aviez déjà fait, ça, de mener un atelier en parallèle d'un spectacle, voilà, en marge. En fait, c'est même quasiment à chaque fois ce que je fais. C'est-à-dire que sur mon premier spectacle, 37 heures, c'était un spectacle, d'ailleurs, que j'avais aussi joué ici, qui parlait de violences sexuelles. Et en fait, j'ai fait tout un travail de médiation culturelle sur le thème du consentement, sur la question de l'intime portée sur un plateau. C'est ce qui fait sens dans ce que j'écris. Origine, ça parle de trois histoires de déracinement extrêmement différentes de celles qu'on a entendues là. C'est du théâtre aussi choral, très ballet. Voilà, on passe d'un personnage à un autre. Voilà. Mais moi, ça n'a de sens à un moment donné de faire des spectacles que s'il y a des spectateurs déjà. Et aussi si, à partir de cette thématique-là, on essaie d'impliquer un maximum de gens, y compris ceux qui ne vont pas forcément au théâtre. Et là, c'était fabuleux d'aller justement à la rencontre des habitants de quartier, ben, pour que l'art s'empare de ces histoires, les faire venir ici aussi. Et moi, c'est quelque chose qui est toujours vraiment fondamental dans mon travail, en fait. Bah, bravo de proposer ce levier pour que la culture soit accessible à tous. Merci beaucoup, Elsa. Merci à toi, du fond du cœur, d'avoir été là. Merci beaucoup. Un travail de transmission qui prend tout son sens quand il permet à d'autres de s'emparer de ses récits. À Amboise, ce sont donc des élèves du lycée Chaptal et du collège Choiseul qui ont donné vie à ces textes. Une expérience forte, parfois impressionnante, mais surtout très marquante. Marie, l'une des jeunes participantes au projet, nous raconte ce que cette expérience lui a apporté et ce qu'elle a ressenti en portant sur scène l'histoire de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux me donner ton prénom ? Marie Surgé. Alors, qu'est-ce que tu as interprété ce soir ? Tu jouais quel rôle sur cette restitution ? Alors, on n'a pas les noms, mais moi, j'étais Madame 3 dans Les Femmes marocaines. En fait, on s'est entraîné, ça fait un ou deux mois qu'on s'entraîne avec les acteurs. Et honnêtement, je trouve qu'on s'est bien débrouillé pour une première. Mais je confirme, c'était absolument génial. C'était la première fois, le théâtre ? Oui, totalement, une première fois. Mais c'était bien, c'était très bien. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont touché dans ces restitutions, de parcours déracinés comme ça, des choses qui t'ont parlé, qui t'ont touché ? Bah, je trouve que la femme indienne, j'allais dire Camille, mais vous... la femme indienne avec le bijou au-dessus de la tête, je trouve que son histoire est très touchante. Au début, la première fois que je l'ai entendue, elle m'a fait un peu de la peine. Je trouve que ma camarade l'a très bien joué. La femme indienne qui explique qu'elle a quitté son pays pour protéger sa fille. Oui, c'est ça, et qui s'est fait arnaquer. Ça m'a fait un peu de la peine au début, mais maintenant, à force de l'entendre, on s'habitue. C'est une expérience que tu auras envie de renouveler. Est-ce que ça te donne envie, pourquoi pas, de faire du théâtre ? Alors, dans le cadre scolaire, pourquoi pas ? Mais dans la vie personnelle, je pense pas, parce que là, déjà, c'était une épreuve de monter sur scène, alors le refaire, ça serait un peu trop, je pense. Enfin, ça serait pas pour moi. Mais dans le cadre scolaire, pourquoi pas ? En tout cas, bravo, parce que t'as super bien joué le rôle et tu nous as tous fait beaucoup rire. Ah bah, tant mieux, et merci beaucoup, ça me touche. Merci beaucoup, Marie. Bah, merci à vous, et bonne soirée. Une soirée forte et sensible au Théâtre Beaumarchais d'Amboise qui a permis de faire entendre des parcours souvent invisibles et de créer des ponts entre les générations. Avec ce projet autour de Origine, la compagnie In Lumea, les élèves du lycée Chaptal et du collège Choiseul, ainsi que la ville d'Amboise, rappellent que derrière chaque parcours déraciné, il y a une histoire qui mérite d'être écoutée. Merci d'avoir été avec nous sur Radioactive et à très vite pour un nouveau mag. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.